Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi 3 août. Ayant pour titre, à quoi ressemblera l'amour dans l'ère du Verseau? Pour verset 12, on n'a pas. Ça va-tu ressembler à des journées comme on a depuis une semaine dans nos réserves indiennes et puis en Iran, en Irak? Dans les réserves indiennes d'ailleurs sur la planète? Oui. Non. Mais c'est naturel, ce qui se passe, c'était prévu depuis longtemps, c'est attendu, c'est souhaité, c'est bien. Les deux, les conflits qu'on a au Québec et puis les conflits qui sont en Irak? Oui, de toute façon, il y a un personnage qui avait dit que, après l'Apocalypse, on aura une apothéose. Et c'est l'apothéose, moi, qui m'intéresse, l'Apocalypse, ça, je laisse ça à ceux qui... Et l'histoire dit que... Lorsque les États-Unis vont se mêler des problèmes, et on visait surtout dans l'histoire Bagdad et l'Irak, on parlait nécessairement des problèmes au Moyen-Orient, au Proche-Orient, lorsque le prince des Terres-Neuves, c'est le prince, donc c'est le président des États-Unis à l'époque, et présentement, on a souvent parlé que dans les années 90, on se rapprocherait imminemment d'un problème mondial, qui... va ressembler dans... On parle souvent de conflits à l'échelle planétaire, mais on parle d'une guerre nucléaire, mais il y aura premièrement, probablement, l'histoire dit qu'il y a eu des guerres civiles à l'échelle de la planète, et c'est surtout ce genre de guerre qui est dangereuse. Pourquoi? Parce que chaque être humain qui n'a pas encore suffisamment d'intelligence agit comme un animal, donc il n'y a que des pillards et des pillards. Il n'y a aucune loi, aucune législation, il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune limite. Pour la simple raison que quand on a des forces militaires qui se battent, on dit « la guerre, c'est la guerre », ce qui fait qu'on s'autorise à plusieurs choses. Quand c'est les citoyens qui se battent, ça reste « la guerre, c'est la guerre », sauf qu'ils sont beaucoup plus dangereux qu'une force militaire organisée, parce qu'ils n'ont pas de dirigeants. Et on parle souvent aussi au niveau de l'histoire d'un problème majeur qui va être celui de l'islam, entre autres, qui aurait eu tendance à vouloir conquérir la planète en exerçant un terrorisme international, un terrorisme mondial. Et lorsque c'était prévu de toute façon qu'à un moment donné, que l'Union soviétique deviendrait l'allié des États-Unis contre l'islam, et présentement, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus alliés ensemble. Pour la première fois, les deux condamnent une invasion, alors qu'habituellement, il y en a un qui condamne, l'autre est pour. On attend à savoir qui va condamner pour savoir qui va être pour. Oui, ils servent normalement de ces territoires-là comme terrain de guerre. Pour aller essayer leurs armes. Et nécessairement, le pétrole, c'est un phénomène énergétique. L'énergie, c'est après les enfants, ce qui normalement inquiète le plus les nations civilisées. Et présentement, 50 % de la réserve pétrolifère qui nourrit les États-Unis vient de ce coin-là. Alors, nécessairement, ça crée de gros problèmes. Les Soviétiques, eux, fonctionnent beaucoup avec le gaz naturel. Ils en ont en masse, ça va aider. Les États-Unis en ont aussi, sauf qu'ils ne l'ont pas exploité. Alors, nécessairement, on s'en va progressivement vers des choses. L'histoire part de 92, surtout au niveau du début, disons, intéressant, de conflits à l'échelle planétaire. 96 comme point culminant. 99, plus ou moins une fin. L'an 2003, ça s'estompe énormément. Puis en l'an 2023, on parle de la dernière guerre, en fait, de passé. On parle comme si on parlerait d'une guerre qui a existé il y a 20 ans, mais ça va faire réellement partie de la mémoire des souvenirs. On s'approche donc progressivement vers ces choses-là. Maintenant, ce qui est surtout intéressant de constater, c'est qu'on s'approche donc de l'ère du Verseau. Si on s'approche de l'ère du Verseau par cette mécanique, il faut comprendre différentes choses. Il y a des personnes qui, à un moment donné, ont dit qu'il y avait un retour des Atlantes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui étaient des Atlantes réincarnées. Ça l'a fait rire plusieurs personnes. Quand on connaît le processus de la réincarnation, le processus de l'évolution des humanités, on sait qu'à la fin de chaque cycle, toutes les humanités du passé se réincarnent fusionnellement, pluralitairement, dans les corps physiques des individus, donc des corps physiques qui sont vivants dans le temps de la fin d'un cycle. Présentement, la majorité d'entre nous, on est descendant de la race teutone anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'on est descendant de la cinquième sous-race de la race mer blanche. Ça, c'était les Vikings et les anglo-saxons. Les Anglais, les Vikings, les Écossais, les Irlandais, une partie de l'Europe, sauf qu'il y a eu avant quatre autres sous-races, dont l'Allemagne, dont l'Inde, dont les Celtes. Enfin, il y a eu quatre sous-races. Et la cinquième, l'une des plus puissantes, est la race teutonique anglo-saxonne. Et c'est elle qui va engendrer, évidemment, les États-Unis, qui va engendrer le Canada aussi, qui va donc engendrer le bloc, un des blocs les plus puissants. Et le système teuton anglo-saxon va aussi énormément se mêler à l'Union soviétique. Donc, c'est la cinquième race sous-race-mère, sous-race de la race mère blanche, qui domine le contexte évolutif planétaire présentement. Mais on approche de la sixième race mère. D'alors, il y a déjà parmi le public ici, comme parmi ceux qui ne sont pas mais qui écoutent, il y a des personnes qui font partie de la sixième sous-race, ce sont des individus qui ont la capacité de comprendre le changement, d'accepter les choses neuves, donc d'avoir un contact avec leur intelligence, qu'on appelle au Québec l'énergie supramentale. Ils ont la capacité de comprendre les changements, de devenir conséquentiels, de voir les choses, de discerner entre le mental et l'astral, mais ils n'ont pas encore la capacité d'appliquer. Donc, ils n'ont pas la capacité de changement. À un moment donné, ils vont muter un petit peu plus et ils vont pénétrer dans la septième sous-race de la race mère blanche, et là, ils vont appliquer. Lorsqu'ils vont appliquer, ils vont progressivement être transférés, c'est-à-dire qu'ils vont changer. Et du point de vue du contexte ésotérique, parce que ce n'est jamais une question de race comme l'animal humain le considère en système politique ou en système religieux. Et progressivement, l'humain entre dans la sixième race mère. Maintenant, pour comprendre qu'il y a une sixième race mère qui vient, on doit comprendre que la cinquième race mère doit s'éteindre, c'est-à-dire qu'elle doit être digérée. Alors, c'est ce qui est arrivé au niveau de l'Atlantide, les Atlantes sont disparus. C'est ce qui est arrivé au niveau de la Lémurie, les Lémuriens sont disparus. Au niveau de l'Hyperborée, les Hyperboréens sont disparus. Et au niveau de la race polaire, même chose. Alors, présentement, il y a quoi? Il y a une réincarnation de la majorité de ce qui a vécu dans le passé à l'intérieur des individus vivant actuellement sur le plan contexte planétaire. Et c'est ce qui a fait dire, à un moment donné, à Jean de Patmos qui a écrit l'Apocalypse, donc l'Apocalypse de Jean, qu'à un moment donné, il n'y aura plus de monde de la mort, il n'y aura plus de ciel, c'est-à-dire que les individus qui vont se donner la mort ne pourront pas mourir, ne trouveront pas la mort. Et j'ai déjà expliqué, surtout en séminaire, qu'un individu, à cette époque-là, lorsqu'il se suicide, il se réincarne immédiatement dans les individus, donc il se rend compte qu'il vient simplement de changer de point de vue, mais est encore vivant. Il n'y aura plus de monde de la mort. Pourquoi? Parce que le monde de la mort va s'incarner dans le contexte planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on parlait donc des Atlantes, c'est-à-dire que les derniers vestiges de la quatrième race mère, l'Atlantide, s'est réincarné depuis 20, 30, 40, 50 ans. Ça commence surtout avec l'Allemagne d'Adolf Hitler, parce que c'est répandu un peu sur le contexte planétaire. Ça veut dire que progressivement, si on parlait régulièrement de chevalerie, on sait que dernièrement, on a découvert la tombe du roi Arthur, prouvant que les chevaliers de la table ronde ont existé, ben, on le savait, bon, Robin des Bois aussi, Vanhoe, etc., il y en a plusieurs. Bon, eux se réincarnent présentement. Il y a eu une réincarnation majeure de personnes qui viennent de l'époque du Christ. Il y a une réincarnation majeure de personnes qui viennent de l'époque de Bouddha, donc de la race aryenne. La race aryenne s'est surtout réincarnée dans la race allemande. C'est pourquoi Adolf Hitler a voulu placer la race aryenne à la surface en dominante sur le contexte planétaire. La race aryenne, c'est la race indo-européenne, c'est la première sous-race de la race mère blanche. Si on regarde, par exemple, les Warriors aujourd'hui, les Indiens, les Amérindiens, la majorité réincarne quoi? Elle réincarne les guerriers du passé. Et comme les Autochtones ici étaient des peuples extrêmement divisés et toujours en guerre, bien, elles réincarnent des personnalités comme ça qui les amènent à vouloir faire la guerre. Alors, si on regarde les nations autochtones aujourd'hui, il y a Akanis Atake, il y a Kanawagé et d'autres places comme ça, il y a les guerriers. Et les guerriers sont une forme de terroristes autochtones, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas rendre les armes, ils veulent se battre. Ils sont bien s'ils sont en état de guerre. Ils veulent rien. Ils veulent absolument rien. Ils sont contre tout pour rien. Ils veulent rien. Ils veulent simplement faire la guerre. C'est évident que si on regarde le peuple autochtone, à part le peuple des guerriers, ben, eux, nécessairement, veulent faire la paix. Il y a toujours eu des sages chez les Indiens, mais il y a toujours eu des guerres parce qu'il y a toujours eu du terrorisme chez l'Indien. Hein, on sait que les Hurons font partie des six nations. On sait que les Iroquois en font partie. Puis on sait que les Iroquois étaient les ennemis naturels des Hurons. Ça a toujours en train de se battre. Ça a toujours été comme ça. Et quand on dit que les Blancs ont énormément malmené les Indiens, ça, c'est aux États-Unis. Au Canada, à peu près pas. Bon, il y a eu de l'esclavage chez les Hurons, donc les Hurons ont été un peu l'esclave des Blancs. Il y a eu la traite des Hurons, mais il y a eu la traite des Blancs. Les Indiens ont massacré des Blancs. En tout cas, bon, finalement, ça a été l'histoire humaine conventionnelle. Mais présentement, il y a de plus en plus une forme de nationalisme qui tend à réapparaître, qu'il soit québécois, on est tout content quand on est séparatiste québécois, il est autochtone. Si on regarde ce qui se passe en Union soviétique, bien nécessairement, ils sont tout en train de se diviser. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique a été conçue seulement à partir de conquêtes. C'est-à-dire qu'on conquérissait un peuple, et puis on massacrait le peuple, on asservissait le peuple, puis le peuple rentrait dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'était de l'expansion par l'intégration. Oui, si on regarde l'Arménie, il y a eu des massacres là-dedans. On peut fouiller partout dans l'histoire soviétique, c'est uniquement spécifiquement des massacres puis des holocaustes, etc. Et présentement, se réincarne quoi? Se réincarne les personnes du passé qui vivaient dans ces peuples-là, ce qui rend les peuples de plus en plus nationalistes, donc nécessairement séparatistes. Sauf en Europe, l'Europe, présentement, a vécu pendant longtemps une séparation, et à cause du terrorisme de la Libye, entre autres, à cause du colonel Kadhafi, nécessairement, lui, son rôle ésotérique était de forcer l'union de l'Europe, parce que l'Europe, si elle veut survivre à ce qui s'en vient, devra être unie. Mais encore là, ils vont rester suffisamment séparés au niveau des visions, mais il n'empêche que... On regarde les deux Allemagnes, ils sont en train de s'unir à une vitesse folle, ils sont en train de réincarner le passé, et c'est pourquoi d'ailleurs Margaret Thatcher en a extrêmement peur, c'est pourquoi plusieurs phénomènes, les gens en ont peur. Qui a eu le plus peur des Allemands? C'est l'Angleterre. Ça n'a pas été la France, ou etc. Les Français, à l'époque, il y avait pas peur. Il souffrait, il avait un peu peur. Mais l'Angleterre, ça, c'est un des bastions qui va donner naissance à la race mère. La teutonique anglo-saxonne, mais à la race mère bleue, la sixième race mère, parce que c'est eux qui ont engendré une partie de l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique en dernier. Et ésotériquement, l'Angleterre percevait de l'Allemagne un danger extraordinaire. Et présentement, bien évidemment, cette partie de l'Allemagne-là se réincarne, donc nécessairement, ils vont se réunir à une vitesse folle, sans problématique. Et partout à l'échelle de la planète, c'est ce qui va arriver. Nécessairement, si on regarde l'islam s'est étendu uniquement à coup de conquête et à coup de massacre. On disait à quelqu'un, est-ce que tu te convertis? Il disait non, on le tuait. On passait à l'autre, tu te convertis-tu? Non, on le tuait. On passait à l'autre, tu te convertis-tu? Oui, on le laisse en vie. Oui, oui. Dans le troisième, ils disent tout oui. Quand Non. À cette époque-là, justement, c'était à la conscience. Non, ça disait non souvent. Ah oui? Tu mourrais, tu finissais là. Bon. Et réincarnant ces mécaniques, on réincarne donc une partie du passé. On réincarne quoi? La Troisième Guerre mondiale sera une guerre sainte. Comme l'a été la deuxième, on réincarne les croisés. Il faut que nous, on les évolue. C'est-à-dire que si on les digère, on les fait évoluer. Si on se fait digérer, on devient comme eux. Bon, alors on réincarne le passé. Ça fait qu'à l'échelle planétaire, on va pouvoir se permettre de se payer le luxe de vivre quelques milliers d'années d'évolution en quelques années. Mais si on regarde l'évolution de l'humanité dans le passé, c'était uniquement l'évolution de guerre et de conquête. Et ça, c'est le bastion de la cinquième race mère qui évolue par sacrifice. Alors que dans l'ère du Verseau, puis évidemment, on se fout royalement de savoir en termes de date l'ère du Verseau, quand il commence, quand il commence pas, mais on parle simplement chronologiquement, c'est une forme de symbole, l'ère du Verseau, parce que ça va durer 13 800 ans, alors que l'ère du Verseau va durer 2 200 ans. On parle donc d'un millénium, d'un âge d'or. Alors, donc, l'ère du Verseau, elle sera une ère où l'être humain ne sera plus sacrifié, où l'être humain n'aura plus à sacrifier. Et donc, finalement, c'est une ère où il n'y aura plus autant de carnivores. C'est une ère où il n'y aura plus de guerre. C'est une ère où il n'y aura plus de destruction. Et encore une fois, pour la majorité des égaux humains, c'est toujours comme si on leur parle encore d'un paradis, finalement, d'un paradis terrestre, qui leur a été vendu depuis des milliers d'années, puis qu'on n'a jamais vu. Et finalement, ça impatiente même certains égos, ça irrite certains égos, si on dit que dans l'ère du Verseau, donc dans les années à venir, pour les milliers d'années à venir, il y aura de la paix sur le plan planétaire. Ça a une saveur de promesse électorale. Exactement. L'ère du Verseau, ça commence quand? L'ère du Verseau, physique, vitale, astral, mental ou supramental? Physique, pour commencer. Elle est commencée. Depuis quand? Oh, l'année, tu vois, la date exacte. Non, non, mais en proportion de ça. Ah, OK, OK. Elle est commencée autour des années 30. OK. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, c'est quand le soleil rentre dans le Verseau, oui, mais ça fait un bout de temps que les effluves du Verseau se font sentir. Et l'air du poisson, on va se faire sentir un petit bout de temps. Alors, physiquement, planétairement parlant, biologiquement, on a des effluves au niveau du plan physique depuis les années 30. Au niveau du plan vital depuis les années 50, au niveau du plan astral depuis les années 60, au niveau du plan mental depuis les années 67, au niveau du plan supramental depuis les années 85. Donc là, il y a de l'incidence, tous les plans sont entrés, en tout cas les cinq plans qu'on connaît, oui. Il peut en avoir d'autres. Puis les cinq plans mentionnés sont tous entrés, mais pourtant l'amour n'est pas plus intelligent ou ça ne ressemble pas à ce que tu m'as décrit dans le. Et non, pourquoi? Parce que l'homme n'est pas rentré. Ah. La femme non plus d'ailleurs. Et il en fait encore moins. Mais si c'est rentré au niveau astral, puis on est contrôlé par l'astral, on devrait être dans l'ère du Verseau. Oui, on est contrôlé par l'astral. Donc, si l'astral est rentré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne simplement que l'humain va vivre plus de frustration. Au niveau psychologique, l'humain... Bon, au niveau physique, premièrement, on va rentrer dans une ère de technologie. Une ère où on peut se payer le luxe d'éliminer les famines, de guérir des maladies, de reconstruire des territoires détruits par des tremblements de terre ou des ouragans. Bon. Au niveau du plan vital, on peut se payer le luxe de prolonger la vie. On peut se payer le luxe d'entretenir une vie à long terme en meilleur état. Bon, on peut se payer le luxe aussi d'avoir des enfants plus puissants qu'avant. Les petits maudits teflons, là. Bon. Au niveau du plan astral, on goûte subitement, on réincarne de l'avenir à partir de ce moment donné-là et on a de l'utopie, on fait de l'utopisation. On goûte à des choses qu'on aimerait avoir, donc on développe une frustration de ce qu'on a. Au niveau psychologique. Parce que c'est ce qu'on n'a pas. Alors, l'humain devient de plus en plus irritable et ça amène l'ego à aller vers l'écœurement de l'écœurement qui va l'amener à avoir un contact avec un ajusteur de pensée qui va l'amener à un contact supramental, donc à une centricité sur son intelligence. Au niveau du plan mental, ça amène l'écologie, la conséquentialité. Ça amène la vision à long terme. Ça amène la compréhension des conséquences. Puis de plus en plus, c'est évident que c'est de plus en plus présent. Et au niveau du plan supramental, ça va amener l'amour intelligent premier. Donc, finalement, l'intelligence qui aura du cœur, c'est ce qu'on parlait ce soir. Et ça va amener un paquet d'autres phénomènes, en l'occurrence de l'intelligence qui va s'exprimer par-dessus l'intellectuance humaine, c'est-à-dire que l'humain n'aura plus besoin d'aller à l'école, l'humain n'aura plus besoin d'apprendre pour savoir, l'humain saura ce qu'il aura besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire qu'il le sache. Et encore une fois, lorsqu'on dit ce genre de choses, ça paraît toujours un peu rocambolesque. Mais si on retourne 100 ans en arrière, puis je vous compte ce qui se passe aujourd'hui avec les avions, les navettes spatiales, on ne dira pas qu'on est allé sur la Lune, et on ne dira pas non plus qu'on a envoyé des sondes voir Neptune et Uranus. On ne parlera pas d'avions invisibles, on ne parlera pas de radio, de télévision couleur un instant, on ne parlera pas de télévision sur les montres, et on ne parlera même pas de montres, parce que, je parle de 100 ans. Et ce que j'explique présentement, c'est des choses qui, l'évolution étant exponentielle, c'est des choses que la majorité de ceux qui sont ici vont vivre, vont goûter. Et je dis souvent qu'on doit prévoir son évolution minimum sur les 500 prochaines années, parce que l'humain se dit toujours, oui, mais moi, je vais être mort, oui, c'est ça. Et combien de fois vous avez dit ça? 40, 50, 60 fois? Je parle en 40, 50, 60 vies. Alors, il y a... Parce que dans les 500 ans, on a peut-être 497 de passé, on ne sait pas. On a peut-être 499 aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà passé énormément de stades. Et par contre, vu que c'est exponentiel, il reste quoi? Et je réexplique encore une chose. C'est sûr que si j'aurais mon gros cruchot d'eau ici, non seulement je pourrais boire, mais en plus, je pourrais vous expliquer une chose. On pourrait parler de verso. C'est un message subliminal. On pourrait parler de verso, oui, effectivement, oui. Alors, on va voir si ça va fonctionner, si on va avoir un cruchon d'eau. Mais... Si on n'a pas de cruchon d'eau, c'est parce qu'il y a un cruchon. Ah, ce cruchon est là, mais là, c'est l'eau. Bon. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au niveau de l'évolution, et c'est pourquoi l'humain se dit tout le temps, oui, mais moi, là, ça fait, tu sais, je suis rendu à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y en a même qui se disent, je suis rendu à 12 ans, 18 ans, des fois, trop tard. Bon. Ce qui est important de comprendre toujours, c'est qu'on avance uniquement par accumulation d'énergie. Toute l'évolution est une question d'énergie. Bon. Vous êtes fatigué psychologiquement, vous allez être de façon irritable, colérique, etc. C'est une question d'énergie. Et on remplit un verre d'eau, on remplit avec de l'énergie, on remplit, mais on ne voit pas de changement, parce qu'il n'y a pas de changement. Tout ce qu'il y a, c'est qu'on a plus d'énergie. Puis quand on arrive à un certain niveau, pouf, tout se met à changer. Alors là, on voit qu'on a évolué. Et j'expliquais à un moment donné qu'une personne, par exemple, qui est catholique, à un moment donné, elle lâche le catholicisme, elle rentre chez le témoin de Jéhovah. Après 5-6 ans, elle dit qu'elle s'est fait avoir. Elle rentre chez les Krishna. Après 2 mois, elle dit qu'elle s'est fait avoir. Elle rentre chez les Mormons. Après 2 semaines, elle sort de là. Et à un moment donné, elle lit un livre. Elle lit, par exemple, un livre de Krishnamurti, ou elle vient ici à une conférence, ou elle va à une fête foraine, ou n'importe quoi. Et subitement, là, paf, tout vient de changer. Et là, elle se dit, hey, c'est ça qui... avoir su ça avant. Avoir su ça avant, ça aurait mis un peu plus d'eau dans le verre, puis ça n'aurait rien fait. La dernière goutte est aussi importante que la première. Sauf que l'humain ne voit que la dernière goutte. Parce qu'il a une conscience mémorielle, très nombritique, il ne voit que la dernière goutte, alors il met toute l'ampleur là-dessus. Il pense que c'est cette goutte-là qui a fait toute la chose. Comme quelqu'un va dire, ah, t'aurais dû me le dire au début. Ben moi, ça fait 5 ans, je le répète. Donc, non, l'idée n'est pas là. Alors, l'humain se dit, bon, je n'ai pas évolué beaucoup, ou j'essaie d'évoluer, puis ça prend du temps, puis c'est ici, puis c'est ça. C'est une question d'énergie. Plus on ramasse de l'énergie, mieux c'est. Et une des grandes façons de ramasser de l'énergie, c'est au niveau des relations synergétiques qu'on peut appeler amour. On va en parler tout le mois d'août. Bon. Lorsque l'humain a suffisamment d'énergie, subitement tout se met à changer. Alors, encore une fois, on parle, par exemple, de sixième race mère, et plusieurs vont se trouvent extrêmement loin de ça. On parle d'amour intelligent aujourd'hui. Bon, il y a plusieurs personnes qui vont se dire, moi j'aimerais ça, mais je suis loin en tabarouette. Et puis en 2 semaines, en 2 ans, en 2 heures, ils peuvent être très près, puis quelques temps après, ils peuvent être carrément dedans. parce qu'ils ne savent pas juger le potentiel d'énergie qu'ils ont déjà. Donc, ils n'ont aucune idée où ils sont rendus au niveau d'évolution. On peut vous dire où vous êtes rendus dans une vision particulière de l'évolution, mais on ne peut pas vous dire dans combien de temps vous allez changer. Dans combien de temps vous allez muter? Ouais, tu peux être plein aux trois quarts, mais rester plein aux trois quarts pendant 10 ans. Oui, puis tu peux être aussi être plein à un quart, puis encore là, avoir du temps pour remplir. Alors, c'est évident qu'il y a beaucoup, et la majorité des structures d'évolution, donc des structures qui sont créées par de la mémoire, qui ont été créées par la mémoire de la cinquième race mère, ces structures-là font tout pour conserver en mémoire l'être humain tel qu'il est. Autrement dit, quand on est tout près de pouvoir changer, il se passe plein de choses dans notre vie pour nous ramasser un peu d'énergie. Donc, on en perd. Est-ce que ça se peut que quand on est tout près, que ça déborde ou que le verre soit plein, l'ego s'en rende compte et puis à ce moment-là, prenant ça pour acquis, qui est presque plein, commence à le revider tranquillement ou à l'empêcher de se remplir? Oui, ça déborde pas et c'est pas plein. Mais quand c'est presque plein, c'est ce qui arrive fréquemment. Il y a une des choses, par exemple, souvent les individus dans leur vie, ils ont senti qu'ils étaient, c'était leur année. Bon, c'était là, c'était présent, il y avait quelque chose, c'était soit en argent, soit en santé, soit en évolution, soit... Sans pouvoir mettre de mots là-dessus, mais c'est ça. Et puis, à un moment donné, c'est de moins en moins ça, puis finalement, là, c'est plus ça. Puis, un an après, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, à un moment donné, ça recommence à se repointer le bout du nez. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de le descendre quand ça se pointe le bout du nez? Comme parce ça, que c'est pas juste le sentir passer. Oui, premièrement, il y a une chose, c'est qu'on ramasse de l'énergie. Quand on a suffisamment d'énergie, il y a une entité morontielle qui se pointe le nez. C'est une mécanique, ça, qui peut nous permettre de remplir la balance. Sauf que quand on est très, très, très, très près de là, il y a plusieurs mécaniques astrales, des mécaniques d'évolution, donc qui commencent à se mettre en opération pour baisser notre niveau d'énergie. Alors, normalement, les individus avec qui l'on vit vont se faire manipuler pour nous charrier. Et c'est ceux-là qui ont toutes les clés pour nous charrier, parce que plus on les aime, plus on est fait avec eux autres. Et ça peut être au niveau de l'emploi. Alors là, il y a toute une panoplie de mécaniques qui vont se mettre en marche pour ramasser de l'énergie. Et parce que nous sommes structurés à partir d'une vision de cinquième race mère, où notre évolution se fait par sacrifice, savez-vous combien vous avez de portes d'entrée d'énergie? 4-5? Combien de portes de sortie? Bon, vous en avez une idée en tout cas? Quelques milliers. Alors, nécessairement, ça prend déjà beaucoup d'énergie uniquement pour empêcher l'énergie de s'en aller. Couper les fuites. Oui. Alors, on doit muter. C'est-à-dire qu'on doit être différent, ne plus avoir autant de fuites. Est-ce que l'amour, c'est une fuite d'énergie ou si c'est une accumulation d'énergie? L'amour humain actuel est une énorme perte d'énergie tout en étant... C'est-à-dire que tu perds de l'énergie sur 3 plans et tu en gagnes un peu sur un plan. Tu en gagnes au niveau du plan astral, tu en perds au niveau du plan physique, du plan vital, du plan mental. Toujours? Toujours. L'amour d'aujourd'hui, là. Si on regarde l'amour dans l'ère du Verseau, c'est tout à fait autre chose. Parce que si on regarde aujourd'hui, il y a des meurtres passionnels, hein? Bon. Il y a du monde qui tue par amour. Alors, c'est une vision très particulière de l'amour. On a toujours les souffrances d'amour. On a toujours l'ennui, on a toujours la honte. On a toujours... Des déceptions. J'ai tellement plus dedans. Compte-moi ça, toi. Des déceptions. Oui, ça, compte-moi encore. Les déceptions. La jalousie. Les chicanes, les disputes, oui, la jalousie. Il y a... Tout ça, c'est relié à l'amour. La possession. Oh, bon, c'est l'amour tout court, ça. Bon. Maintenant, c'est évident que l'humain a toujours vécu avec l'idée que l'amour, c'était beau. Mais il faut comprendre une chose. C'est que la majorité des humains planétaires sont des créatures de mémoire, des créatures du temps. Donc, ils sont investis de mémoire et ils ont chez eux un ego qui est pluriconstitué. Et l'ego, donc, il y a plusieurs petites parties. Et une partie d'ego se crée comment? Se crée par l'expérience. Alors, si moi, je rencontre une personne ici et que je la fréquente pendant 6 mois, je vais progressivement créer une partie de mémoire chez moi de sa présence. Je la fréquente pendant 6 ans. Si elle meurt, j'aurai une grosse partie de moi qui sera maintenant construite par sa présence. Si elle meurt, cette partie-là devra mourir. Elle ne pourra plus s'alimenter de la présence de l'autre. Alors, je souffrirai, je pleurerai peut-être, je chialerai, je serai mal pris. Et le temps arrange tout. Ben oui, parce qu'à la longue, la partie va lentement s'effriter et elle va disparaître. Il va rester une mémoire, la mémoire de l'événement, mais la mémoire émotive accolée à l'événement et elle va s'en aller. Alors, je pourrais me rappeler de la personne, mais j'en souffrirai plus. Bon, ça va bien aller. Ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain vit de cet amour, on parle de possession uniquement. Pourquoi? Parce que la partie qui a expérimenté la présence de l'autre a maintenant un vital besoin, c'est le cas de le dire, de la présence de l'autre. Donc, nécessairement, il fera tout pour manipuler l'autre de façon à ce que l'autre rentre dans les cadres qui l'alimentent. Et c'est pourquoi l'amour humain est uniquement une question de possession. Mais en même temps, étant donné que c'est de la mémoire, c'est capable d'avoir, c'est en relation avec le plan mental, avec votre conscience, pas la mémoire de la conscience, mais la mémoire de la conscience, l'ego, est capable d'une relation avec la conscience, vous. Lorsque vous parlez dans votre tête ou à vive voix, pas lorsque vous pensez, ça c'est la mémoire, lorsque notre conscience est capable de goûter à de l'amour intelligent, à de l'intelligence qui a du cœur. Et immédiatement, ça c'est mémorisé dans notre ego et l'ego mélange les deux. Alors l'ego s'illusionne que, ben oui, mais c'est pour ton bien que je fais ça. Mais quand on dit ça à quelqu'un, c'est parce qu'on l'embête en maudit. Parce que sinon, il dit pas ça s'il est bien heureux. Si je te donne un cadeau, si tu es heureux, je te dis pas, c'est pour ton bien, je te le donne. C'est si tu n'en veux pas que là, je dois insister, puis là, je vais te dire que c'est pour ton bien. Si tu me fais manger du pâté chinois, puis que j'aime pas ça. Oui. Sais. Alors, il y aura, par exemple, on regarde encore, si je reste avec une femme, dans mon cas, ce n'est pas le cas, je n'agis pas comme ça, mais l'animal humain, du moins, va dire, par exemple, bon, si la femme décide de s'arranger différemment, ça peut ne pas plaire au gars. Et pourquoi ça ne plaît pas au gars? Qu'est-ce que ça nous regarde, homme ou femme? Mais ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce que la partie de mon ego qui s'alimente de la vision de l'autre ne peut plus s'alimenter si ça vient de changer. Elle ne connaît plus la personne. Non. Alors, je devrais m'adapter. Et l'adaptation est une souffrance au niveau de la mémoire parce qu'une partie de la mémoire qui doit mourir et par la suite, ça va être remplacé par la nouvelle vision. Mais une personne qui change régulièrement, c'est problématique. Bon. Alors, tu arrives avec les cheveux teints en vert, la majorité des parents, par exemple, n'accepteront pas leur enfant. Et c'est parce qu'ils les aiment qu'ils leur disent ça. C'est vrai. C'est de l'amour humain. Ce n'est pas de l'amour intelligent, c'est de la possession. Moi, je les teins en blanc, mais graduellement. Ouais, c'est ça. C'est brillant. Ça va tout à fait lentement. C'est pas pire. Alors, dans le contexte humain, on dirait pas c'est parce que je t'aime. Non, c'est parce que je te possède. C'est parce que je m'alimente de ta présence que toi, torieux, tu vas faire comme je te dis. Voilà. Ça, c'est la définition plus claire de « c'est parce que je t'aime que je te dis ça ». C'est que l'ego, la façon dont il l'a mémorisé, lui veut revivre le même événement. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que, je prends notre exemple, on peut se voir pendant 3 jours en ligne, à tous les jours, on peut ne pas se revoir pendant une semaine, puis il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'ennui. Parce qu'on s'est toujours vu. Ben, ça peut être aussi vrai entre hommes, entre femmes, là, je dis oui, amour, mais c'est parce l'amour en général. Parce qu'il y a une énergiopathie, parce qu'on se voit sur d'autres plans. On ne se voit pas uniquement avec les yeux physiques et un ego pour photographier. Parce qu'on se voit sur un paquet d'autres plans, nécessairement, il n'y a aucun problème là. Parce que ça continue de s'alimenter pendant que l'astral ne s'alimente pas. Exactement, l'astral s'alimente moins, c'est évident. Il va avoir un plaisir, par exemple, si on passe 2 ans sans se voir, il va avoir un plaisir à se revoir au niveau astral. Mais il n'y aura rien, ça va faire comme si on ne s'était pas vu depuis 2 jours sur tous les autres plans. Parce qu'il y a des personnes comme ça qu'on rencontre 6 mois après, et puis on dirait que la journée où on se rencontre, on continue la conversation où elle était rendue. Oui. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'ennui. Non, parce qu'il y a eu une énergiopathie. Normalement, quand un individu, par exemple, je rencontre quelqu'un ou toi, puis je suis un animal humain, donc je n'ai pas d'intelligence, qui peut être consciemment le maître contrôleur, et je suis potentiellement un être intelligent, mais je ne l'exprime pas encore. Alors, on se perd de vue pendant 6 mois, et quand on se revoit, on va parler de ce qu'on a fait là 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on veut, on n'est pas capable de se reconnaître tel quel, donc on veut restimuler les vieilles mémoires qu'on avait pour les refaire revivre, et quand elles seront suffisamment revivifiées, eh bien là, on pourra continuer. Alors ça, c'est ce qui arrive chez les humains ordinaires, et ils parlent, c'est l'amitié, c'est aussi l'amour. Alors comme je dis souvent, tu vas rejoindre quelqu'un à l'aéroport que tu n'as pas vu depuis 2 ans, ben tu es content juste à y aller. Pourquoi? Tu es déjà en train de revivre des choses. Mais l'autre, tu t'en fous. Lui, c'est un outil qui te permet de refaire vivifier de la mémoire chez toi, qui est en train de mourir. Alors, quand tu le revois, ben, vous allez parler du bon vieux temps. Et puis, après, maintenant, tu fais quoi aujourd'hui? T'sais, une fois qu'on a tout, bon, puis maintenant qu'on s'est stabilisé, comme si on avait repris le temps perdu. Puis d'ailleurs, c'est une expression qui est très typique aussi. On va reprendre le temps perdu, ce qui se fait pas. Et maintenant qu'on est égal, maintenant on peut continuer. Alors que ceux qui sont en énergiopathie, donc ceux qui sont capables d'une relation dans l'intelligence, donc un amour intelligent, l'amour du verso, ben eux, s'ils se quittent, quand ils se revoient, ils continuent à vivre. Il n'y a pas question de retourner dans le passé parce qu'ils n'alimentent pas uniquement une mémoire astrale au niveau de l'amour, ils alimentent tous les corps, donc minimum 5 corps. Ces plans d'amour-là, cette méthode d'amour-là, ça se fait aussi bien avec les enfants, avec des amis, avec un paysage, conjoint, avec un terrain, avec une planète. Ça peut être, tu peux aimer ta voiture sans avoir de la peine si quelqu'un la bosse. Puis l'amour auprès d'une auto, j'aime pas l'exemple, mais c'est vrai aussi. Il y a des gens qui vont souffrir de faire graffiner leur voiture. Ou de... Oui, mais c'est évident. Mais eux encore, c'est un amour conditionnel. Ça leur donne un archétype de liberté, de puissance. Bon, pendant longtemps, les annonces, on vendait les automobiles aux hommes parce que les femmes ne travaillaient pas, n'en achetaient pas. Et c'était quoi l'automobile? Ben, c'était le complément de la femme. Les gars la minouchaient, les gars la frottaient, les gars s'en occupaient, les gars couchaient dedans, les gars se promenaient avec, les gars, c'était réellement la femme. Quand t'es tanné de l'entendre, tu fermes la switch. Ben oui, l'interrupteur, effectivement, oui. Mais enfin, bref, c'est réincarne des choses avec... Pardonnez-lui, ben quand oui. Même, là. C'est... Parce qu'en 1832, j'avais entendu... Oui, c'est ça, oui. Et... Bon, tu as des choses comme ça. Alors, il y a donc effectivement une forme d'amour. Le bonhomme se nourrissait de la présence de l'automobile pour tout ce qu'elle représentait chez lui, donc pour tout ce qu'elle alimentait chez lui. Comme je dis souvent, les personnes qui aiment les fleurs et qui les tuent pour les mettre dans un bocal sur la table, ils n'aiment pas la fleur. Mais on va dire, ben oui, j'aime les fleurs. La preuve, si quelqu'un arrive, prend la fleur, il accasse en petits morceaux, la personne va être en colère. Mais si la fleur fane puis que tu accasses en morceaux, là, elle ne sera pas en colère. Pourquoi? Parce que la fleur est affanée, ne nourrit plus chez elle ce qu'elle a besoin, fait qu'elle s'en fout maintenant de la fleur. Elle l'aime plus. Bon. Les personnes qui font du bénévolat, c'est la même chose. Ils font du bénévolat parce que ça leur apporte humainement. Donc, ils vont s'alimenter. C'est-à-dire que les est souffrant, sacrificiel. La preuve, on doit faire des compromis pour arriver à aimer et s'aimer ensemble. C'est pas sacrificiel? Oui. On doit sacrifier une partie de notre vie pour l'autre. Et l'autre sacrifie une partie de la sienne pour moi. Alors que dans un amour intelligent, personne ne devrait rien sacrifier. Alors, par exemple, moi, je joue au tennis, ma femme joue au badminton, et bien, à un moment donné, on voudra se voir plus souvent, ce qui fait que je vais sacrifier une partie de mon sport pour aller jouer avec le sien, même si j'aime pas ça. Puis, à un moment donné, elle va venir jouer avec moi, elle va sacrifier une partie du sien pour venir jouer avec moi, parce que sinon, on va se dire, oui, mais on n'est pas assez souvent ensemble. Alors qu'on ferait mieux d'être une heure par mois ensemble, puis d'être une heure par mois ensemble, que d'être tout le mois ensemble sans être là. Bon, on s'obstine, on s'engueule. Et le gros danger, c'est que ce qui, présentement, chez l'humain est capable d'amour, l'ego, aime autant la dispute, l'engueulade que la joie. Autant. On se nourrit autant, l'ego se nourrit autant par ça, par la dispute. Exact. Et c'est pourquoi les personnes qui, à un moment donné, sont carrément en train de se détruire, peuvent rester 10, 15, 20 ans à se détruire. Et ils pourront se vanter de dire qu'ils s'aiment. Qu'est-ce qui draine le plus d'énergie, aimer ou être aimé? Oh, ou c'est les deux pareils? Être aimé, ça dépend par qui? Parce qu'être aimé, mais ça, on va revenir comment perdre de l'énergie en amour, puis comment ne plus en perdre. Mais être aimé, ça peut être extrêmement dommageable et dangereux. Et aimer, ça dépend comment on aime. Si on aime d'amour intelligent, il n'y a aucun problème. Je parle d'amour conventionnel. Ben, c'est ça dépend encore de qui, de la puissance de l'amour qu'il y aura. Parce que prenons les enfants qui sont aimés par des parents. Plus le parent est possessif, plus le parent décide que l'enfant, c'est lui, plus le parent se projette dans l'enfant. On a ça souvent au niveau des pères, par exemple, qui veulent que leur fils joue le sport comme eux autres aimeraient le jouer, puis etc. Moi, j'ai enseigné longtemps le judo, et puis au Jeu du Québec, à plusieurs places, j'arbitre. Et puis de temps en temps, au karaté, c'était fréquent. Au karaté, quand un jeune perdait, ben il se faisait engueuler par l'instructeur, par les parents, par tout le monde. Bon, même s'il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et puis sous le tapis, c'était « Casse la gueule, ouais, frappe », ça y allait par là. Ça, c'était des adultes. Moi, j'appelle ça des animaux humains. Bon. Quand moi, j'arbitrais au niveau des compétitions de judo, de temps en temps, c'était rare, on avait un imbécile, justement, un parent, qui était là, ouais, ils sont dessus, ils traquent. Là, j'arrêtais le combat complètement. Puis j'allais parler au bonhomme, puis je disais, écoute, ben, si tu veux que casser la gueule à quelqu'un, sort d'ici. En tout cas, je lui donnais une leçon. En kimono, qu'une ceinture noire, il disait rien. Il restait bien assis. Et après, je continuais le combat. L'amour du père pour le fils peut totalement tuer le fils. Et c'est de l'amour. Est-ce que là, ça devient une possession réelle? C'est toujours les possessions. J'ai travaillé à Sainte-Justine pendant quelques années. Je m'occupais des enfants battus, puis des enfants qui ont des problèmes d'adaptation au milieu hospitalier. Et la majorité, on parle de 99 % des parents qui battent leurs enfants, aiment trop mal, mais trop, leurs enfants. Ils sont en amour, ils les aiment. Bon. Et, j'ai déjà expliqué un peu que juste le fait de ne pas être capable de dire à ton enfant que tu l'aimes, l'ego finit par se dire que s'il n'existerait pas, je ne souffrirais pas de même, c'est de sa faute, là. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il ne peut pas lui dire. Mais c'est de l'amour. Et c'est de l'amour mal placé. Si on parle d'amour intelligent, nécessairement, on est tous au complet, ça se tombe, c'est plus là. C'est plus là, on ne se manipule plus. T'es plat, t'es une personne plate, ah, devrait venir, ah, tout fatigué, blablabla. Plus rien de ça. Plus rien. Où on va en vacances cet été? Ah, moi, je vais aller sur le bord de la mer. Ah, moi, j'aime pas ça, moi, dans la montagne. Parfait. Ça, c'est de l'amour intelligent. Ça, ça le verra après les vacances. Ben oui. Puis comment qu'on va être quand on va se revoir après les vacances? On va être rayonnant puis pépant, tabarnouche. Peut-être qu'on va s'être ennuyé énergétiquement si on n'a pas appris à nourrir convenablement le cœur astral. C'est probable. Peut-être que la femme ou l'homme sur le bord de la mer va s'ennuyer de la femme ou l'homme dans la montagne. C'est probable. Mais ils vont être heureux tous les deux. Et là, s'ils s'écrivent, imaginez la relation qu'ils vont vivre. Ils vont s'énergiser en tabarboute avec la lettre. Là, ils sont réellement dans un amour qui est constructif, qui est énergétique. On parle d'un amour d'Ars et Verso. Et quand ils vont se revoir, ils vont avoir de quoi jaser. Alors, quand le monde revient de vacances, vous ne trouvez pas plus à rien se parler qu'avant. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de relation, une relation de possession. Imaginez, bon, une femme tombe en amour avec moi, elle m'aime pour ce que je suis. Pas recommandé, en pensant. Ben non, c'est sûr. Elle m'aime pour ce que je suis. Mais si elle m'aime pour ce que je suis, c'est ça qui fait qu'elle essaie d'approcher de moi. Au bout de 2 ans, c'est de tout faire pour m'adapter à ce qu'elle veut. Mais dans 2 ans, je ne serai plus ce que je suis. Elle va m'aimer à moitié moins aussi. Et à un moment donné, au départ, quand on se jasait, on avait plein d'affaires à se dire. On parlait de n'importe quoi. C'était énergisant. Au bout de 2 ans, là, on parle plus de rien. Bon. Alors, on a besoin d'une tierce personne pour parler. Parce que là, on communique de l'énergie. Ça, c'est de l'amour conditionnel, c'est encore l'amour humain. Alors qu'en amour intelligent, donc de l'intelligence qui a du cœur, parce qu'on comprend une chose. Quand je dis amour intelligent, c'est plus adapté. Quand je dis intelligence qui a du cœur, c'est plus juste. Chez l'humain du passé, il a à un moment donné développé le cœur, la capacité de s'associer collectivement à autrui. C'est ce qui a engendré l'amour. Alors, le summum de l'association collective avec autrui, dans l'air du poisson, est la compassion. Est avoir la capacité de souffrir pour autrui. Parce que je souffre pour autrui, je souffre moi-même, je peux comprendre autrui. Comprenant autrui, je développe un simulacre d'écologie, un simulacre de conséquentialité. Je me dis, ah ben, je vais essayer de lui faire ça. Ça l'a fait bien trop souffrir. Je vais aller faire du bénévolat, les pauvres monde, ils en ont besoin, ils sont tout seuls, etc. Alors, c'est une forme, un simulacre de conséquentialité. Alors, à un moment donné, il y a Salomon, entre autres, qui avait reçu de Dieu, apparemment, un cœur intelligent. C'est ce qu'il avait demandé, lui. C'est-à-dire que Dieu lui avait dit, à un moment donné, « Demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Si tu veux la richesse, tu l'auras. Si tu veux la puissance, tu l'auras. Si tu veux... » Bon. Et lui a dit, « Non, j'aimerais avoir un cœur intelligent. » Alors Dieu, dans l'histoire, lui dit, « Bon voilà, c'est accordé et avec ça vient tout le reste. » Un cœur intelligent, c'est typique de l'ère du poisson. Ce que nous, on doit développer, c'est de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce qui désassujettit l'humain du collectivisme, donc de la manipulation par l'extérieur. C'est ce qui désassujettit l'humain de la manipulation par l'intérieur, au niveau de l'ego ou des mémoires réincarnationnelles. Un être intelligent vit sérieusement, mais ne se prend pas au sérieux. Un être intelligent ne chiole pas quand il pleut. Il y a bien d'autres choses à faire. Un être intelligent ne chiole pas parce que le fourmi à micro-ondes ne fonctionne plus. Un être intelligent ne chiole pas pour rien. Un être intelligent ne perd plus d'énergie. Mais un être intelligent ne sera peut-être pas capable de vivre une conséquentialité, une écologie, ajustée à ce que l'humain vit. Parce que l'humain n'est pas uniquement un plan d'intelligence. L'humain, c'est un corps physique, donc un corps atomique, un corps moléculaire, un corps cellulaire, un corps de chair. C'est un corps vital, c'est un corps animé, c'est un corps de vie, capable de croissance. C'est un corps astral, capable de mémoriser, donc d'ingérer les mémoires du temps. C'est un corps mental, capable de légiférer. Et ça doit devenir un corps supramental, un corps d'intelligence. Sauf que l'intelligence, elle a une problématique, c'est qu'elle est extrêmement intelligente. Mais elle ne peut pas goûter, si elle n'a pas été humanisée, elle ne peut pas connaître ce que l'humain vit dans les plans inférieurs, c'est-à-dire donc des plans mentaux, astral, vital et physique. Autrement dit, l'être humain qui, à un moment donné, a accès de l'intelligence, doit s'arranger pour instruire humainement l'intelligence pour que l'intelligence finisse par être capable d'amour. Donc, dans l'ère du Verseau, on ne développera pas la philosophie ou l'illusion de l'amour qui a du cœur, ce qui n'a à peu près jamais été réalisable sur le plan planétaire, parce qu'on part avec l'ego, c'est lui qui aime, et l'ego aime nécessairement d'une façon possessive, donc il faut un mental extraordinairement puissant pour être capable de contrôler l'ego pour qu'il laisse libre ce qu'il aime. Lorsqu'on passe dans l'ère du Verseau, donc lorsqu'on se conscientise, ce que les gens font quand ils viennent aux conférences, puisque d'autres font quand ils ne viennent pas aux conférences non plus, parce que quand même, ils se conscientisent un peu partout. Ils font une crevaison. Oui, c'est ça. Lorsque les gens se conscientisent, ils s'approchent de leur intelligence. Et là, l'ego a extrêmement peur et plusieurs humains investis d'amour conditionnel disent « Ouais, mais vous êtes des robots! Hein? » Alors, c'est où les robots? Mais est-ce que c'est l'astral qui veut teinter le supramental ou l'inverse? Non. C'est simplement une peur qu'a la majorité du contexte astral de perdre totalement... Bon, l'humain a toujours voulu rencontrer Dieu. Bon, mettez le mot que vous voudrez, là. Il y a une quête dans l'âme de l'homme, une partie luciférienne qui veut ramener l'humain vers sa source. Il y a une quête. L'ego a mémorisé la quête, et l'ego, ce qu'il a peur, lui, c'est qu'il a peur simplement que si les choses s'accomplissent, ça ne sera peut-être pas tout à fait comme on s'attend. Si ce n'est pas tout à fait comme on s'attend, on ne pourra pas s'en alimenter, comme on s'attend. Donc, ça satanique. Mais on ne pourra pas s'en alimenter. Si on ne peut pas s'en alimenter, c'est dangereux, c'est épeurant, c'est souffrant. Alors que ce que l'ego ne sait pas, c'est qu'il pourra s'en alimenter à 100 000 à l'heure, il pourra même s'en alimenter à 2000 000 à l'heure, puis il va avoir aucun problème. Tous les corps pourront s'en alimenter. Lorsqu'on parle d'intelligence qui a du cœur, donc c'est plus précis, c'est qu'on prend l'intelligence supramentale et on la fait homme. On la fait passer à travers l'astral, finalement. Oui, mais en réalité, on la fait passer à travers une âme pure. Donc, un astral sans ego, qui aura maintenant, ça va instruire l'intelligence, ajuster l'intelligence à toute la mécanique progressive, évolutionnaire, planétaire. Quand on parle dans l'Antiquité, alchimiquement parlant, l'énergie christique, c'est de l'énergie supramentale. Bon, quand on parle du Nazaréen, on parle aussi de Dieu qui s'est fait homme. C'est le premier qui a parlé d'amour. Mais c'est le premier avec qui a dit « Aimez vos ennemis comme vous-même ». Pas un animal humain qui peut faire ça. Il peut détester son ennemi. Autant qu'il aime son ami. Mais lui, il parlait d'amour intelligent. En réalité, donc, intelligence qui a du cœur. Quand il parlait du Saint-Esprit, nécessairement, il parlait du phénomène supramental. Et si on était capable d'appliquer ce qu'il disait là, des guerres, il n'y en aurait pas. De la politique, il n'y en aurait pas non plus. Il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait rien. Il n'y a rien qui va mal parce que tout le monde sera intelligent. Sauf que, pourquoi on ne peut pas le faire? Et c'est intelligent qu'on ne puisse pas le faire. Lui, il l'a fait, il est mort crucifié. Pourquoi c'est intelligent qu'on ne puisse pas le faire? C'est qu'il a planète Terre... C'est mieux d'être jaloux que crucifié. Oui. C'est que la planète Terre, elle est trop investie encore d'animal humain. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas rendu à une fin d'une fin de cycle, tant que la majorité des animaux humains n'auront pas été réincarnés et digérés, donc par l'humanité qui va naître... La problématique, c'est que si on aime nos ennemis comme nous-mêmes, ben eux, ils vont se faire un plaisir de venir nous massacrer. C'est pas bien compliqué. Alors, c'est comme si, par exemple, tous les Blancs décident d'aimer les Warriors, ben c'est pas long qu'on va être un régime de guerriers. Si on décide d'aimer l'Irak, ben c'est pas long qu'ils vont tout prendre. Hein? Si on les aime comme nous-mêmes, ils vont les autres, ils nous aiment pas. Les autres, ils vont tout ramasser. Alors, il y a une problématique, c'est que l'amour intelligent, et ça, c'est souvent ce que les gens, philosophiquement ou inconsciemment, ou souvent consciemment disent, ben, juste le fait de dire, moi, je ne veux pas avoir d'enfants dans une société comme celle-ci. Alors qu'on a la plus belle société que j'ai jamais eue sur la planète. Le problème, c'est qu'on a aussi de la conscience. Parce qu'avoir des enfants, le 20 ans, le 50 ans, le 100 ans, le 2000 ans, c'est bien pire qu'en avoir aujourd'hui. Mauditement mieux de les avoir aujourd'hui que le 50 ans, ou que le 100 ans, ou 200 ans. Imaginez, il faut qu'ils aillent à l'école le matin, ils partent à quelle heure, ils vont geler, il n'y a pas d'automobile, il y a des voleurs, des pillards. À l'époque du Far West, tout le monde est armé, ça se tire sans arrêt, les maladies, il y en a à plus finir. Il faut se lancer dans une vision d'avoir 15-20 enfants pour en garder 7-8. Non, c'est le temps d'avoir des enfants. Mais vu qu'on développe de la conscience en même temps, on se dit « on veut pas ». Et c'est ça qui est l'affaire. C'est que notre conscience, donc les prémices de l'intelligence supramentale, puis il y en a pour certains, c'est un peu plus que des prémices, disons c'est des mises. Dans cette vision-là, c'est que nous, ce qu'on se dit simplement, c'est que la société, je ne peux pas me payer le luxe d'être pur dans un monde impur, parce qu'ils vont me rendre impur immédiatement. Mais ça fait aussi penser comme si on avait une armure, parce que l'impureté, l'ego, c'est en même temps que ça empêche de laisser transparaître l'intelligence, on dirait aussi, l'ego pense ça, que ça empêche d'être attaqué, parce que c'est une armure dans deux sens. Oui. Si tu es transparent, si tu es suivi d'amour intelligent, il me semble qu'on s'expose, justement. Oui. Par contre, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a des égrégores, des archétypes. C'est-à-dire que chaque fois qu'un être humain a dans sa structure évolutive simulé la pureté, il s'est fait avoir. Tous les saints, tous les purs du passé sont morts, jeunes, massacrés. Parce que c'était simulé? Oui. Ils avaient une pureté d'âme sans intelligence. Ils avaient donc un cœur capable d'aimer, capable de se diffuser et capable de mourir en sacrifice majeur. C'était le summum, d'ailleurs, de l'ère du poisson, se sacrifier. Alors que si on va vers la sixième race, ce que le Québec est progressivement en train de faire avec une partie de l'hémisphère nord du plan planétaire, l'intelligence qui a du cœur, donc l'amour de l'ère du Verseau, elle a un avantage, c'est qu'on reste intelligent. Et rester intelligent a un avantage, c'est qu'on va découvrir des mécaniques qu'on ne comprenait pas à l'époque de l'ère du poisson, des mécaniques qui ne sont pas, qui sont fermées, qui sont réservées uniquement à ceux qui ont suffisamment d'énergie pour ne pas être détruits, c'est-à-dire être totalement déboussolés par une vision plus réaliste des choses. Autrement dit, on va être capable, dans l'amour de l'ère du Verseau, d'aimer nos ennemis comme nous-mêmes. C'est-à-dire que, premièrement, très très important, on va être capable, nous, individuellement, de s'aimer. Et c'est déjà une problématique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'haïssent, qui se détestent. Bon, vous vous culpabilisez, c'est une forme de haine. C'est comme si vous culpabilisiez quelqu'un. Vous vous médiocrisez, une forme de haine. Vous avez le trac, vous êtes gêné, c'est une forme de haine. C'est peut-être ça que voulait dire le Nazaréen quand il disait d'aimer ses ennemis comme soi-même. Les haïr, les détester, les médiocriser, ouais, c'est pas pire ça. C'était là où c'est à l'époque, hein? T'as écrit une partie, ouais, c'est pour ça que c'est mal, bon, du coup. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au niveau de l'amour intelligent, une des premières choses à faire, c'est de commencer par s'aimer. S'aimer, c'est pas de se trouver beau. Regardez-vous les miroirs. D'accord, pourtant, c'est vous à l'échec. Mais, donc, s'aimer, c'est pas de se trouver beau. Une question de concept, une question de vision, donc c'est pas ça du tout. S'aimer, c'est simplement être capable d'être transparent avec soi-même. On peut trouver qu'on a un beau concept. Oui, sauf que dans 10 ans, ton concept, toi, tu le changes pas mal. Tu changes de temps en temps. C'est ça. Fait que là, tu t'en vas voir quelqu'un pour changer pas le concept, changer le corps physique, ça coûte cher, on n'en sort pas. Non, être transparent avec soi-même. Être transparent avec soi-même, ça va nous permettre justement d'apprendre à nous aimer. Ça va permettre quoi? Ça va permettre surtout une vision plus intelligente de ce que nous sommes. Alors, à un moment donné, on va découvrir que quand ça se culpabilise, c'est l'ego, c'est pas nous autres, qu'on n'a rien à faire. Quand on fait des conneries typiques de l'ère du poisson, c'est l'ego, pas nous autres, on n'a rien à faire. Alors, à un moment donné, vous allez vous goinfrer, manger plein de cochonneries, puis après ça, vous dites « crime, je me sens qu'on fait avoir ». Là, vous parlez plus précisément. Puis si vous êtes déçu, vous faites ramasser un peu. Tu sais, je me suis dit « l'ego a encore gagné ». Et oui, c'est réel. Puis maintenant, tu fais quoi? Ben maintenant, c'est fini, c'est passé. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Alors, la prochaine fois, je vais essayer de contrôler l'ego. Et quelqu'un dirait « oui, mais là, c'est comme se donner une raison ». Tu sais, c'est facile de dire ça. Bon, t'engueules ta femme, puis après ça, tu lui dis « excuse-moi, c'était mon ego, fait qu'oublie ça ». Mais c'est vrai que c'était l'ego. Ouais. Donc, alors, c'est vrai. Faut que tu t'assures qu'elle comprenne c'est quoi un ego avant de dire ça. Oui, c'est évident, parce que là, on va penser qu'il y a de l'ego quelque part. Elle va t'envoyer te faire guérir. Sauf que c'est exact. Quand vous gueulez, c'est votre ego qui gueule, c'est pas vous. Est-ce que c'est intelligent de gueuler? Non? Voilà. Pourquoi vous le faites? Pas capable de répondre? Il y a une seule façon de répondre. C'est que si on est justement duel. Pourquoi je l'ai fait? Je voulais pas le faire. Ben, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, ben, je t'ai vu faire. Ben non, t'as vu mon corps bouger. Ça, c'est autre chose. On est deux dans le corps physique. Il y a l'homme ancien, il y a l'homme nouveau. La femme ancienne, la femme nouvelle. L'enfant ancien, l'enfant nouveau. Et on est les deux dedans. Donc, de temps en temps, un prend le dessus. OK, il prend le dessus. C'est pas de ma faute, j'ai pas encore les clés. Je ne suis pas le maître contrôleur dans mon corps physique. Pas encore. Alors, de temps en temps, il prend le dessus. Ça fait combien de... fait quoi? 2, 3, 4? Ça fait 30 000 ans même. Qui s'évertue à contrôler le corps physique. Faut pas s'attendre en deux semaines que je contrôle tout. Mais l'intelligence, là, l'avantage, c'est qu'elle peut comprendre une mécanique. Puis une mécanique comprise est facilement assujettissable. Si c'est l'intelligence qui le comprend, l'intelligence, elle ne sera pas déçue. Non. Parce qu'il n'y a pas de déception dans l'intelligence. Exact, c'est pourquoi on va apprendre à s'aimer. Alors, on va être capable de dire, bon, tiens, j'ai encore fait une connerie. Non, on va dire, tiens, mon ego a encore fait une connerie. Puis on ne dira pas, maudit ego, maudit astral. Ça, c'est encore de l'ego qui dit. Ah, oui, c'est évident, on perd encore de l'énergie. Si on comprend la mécanique de l'ego, on ne peut pas dire maudit ego. Il est fait comme ça, il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme de dire, par exemple, tiens, le moteur a fait avancer l'automobile quand j'ai débrayé en première. Maudit moteur! Gueule tant que tu veux. Chaque fois que tu débrayes en laissant en première, ça va avancer. Si tu veux pas que ça avance, mets ça sur le neutre. Ah oui, mais c'est bien mal fait! Je dis pas le contraire, mais c'est fait comme ça. Alors, si tu es intelligent, tu gueules pas contre ton automobile. Il y a des animaux humains qui sortent de l'automobile quand il y a une crevaison puis ils donnent des coups de pied sur le pneu. En plus d'être déjà crevé. Oui, maudit, c'est ça. Maudit quoi? C'est ça. Alors, quand on connaît l'ego, quand on comprend la structure, ben on gueule plus contre l'ego. Imaginez l'énergie que vous allez économiser. Et en plus, vous allez commencer à aimer. Vous allez aimer tout. Parce que celui qui aime, aime tout. Il y a une chose qu'on n'aime pas dans l'univers, on n'aime pas. On n'aime pas, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. On va commencer à aimer. Mais il faut faire attention. Aimer ne veut pas dire qu'on laisse l'ego nous charrier. Ça veut dire que l'ego, on ne peut pas l'haïr. On peut bâtir pour l'haïr. Alors, à un moment donné, on va contrôler l'ego. On va apprendre peut-être à faire de la chirurgie astrale. On va apprendre à faire des trucs qui vont restructurer l'ego progressivement, mais sans faire souffrir notre ego. Il y a deux formes d'évolution dans la transition. Une qui est extrêmement souffrante, une qui est extrêmement plaisante. Elle est un peu plus longue, ça prend une heure ou deux de plus. On laisse faire mais lui-même préfère tôt la souffrance en plus vite. Bon. Puis ça prend plus de temps parce qu'à force de souffrir, il se tient après mur. Il avance mal. La pas souffrante, c'est quelle? Ben c'est celle d'arriver à être transparent, c'est celle d'arriver à être capable de comprendre la mécanique et d'apprendre les mécaniques. Et de donc de s'instruire, de s'informer sur des choses et de vérifier les choses. Quand je dis souvent, bon, dans le séminaire, je pose des questions souvent à certaines personnes. Bon, l'exemple le plus facile, c'est est-ce que qui fume? Fait qu'il y en a quelqu'un qui lève la main, il y en a qui lèvent à moitié, il y en a qui lèvent au complet, bon, il y en a qui sont fiers, il y en a qui ne sont pas. Et là, je pose la question à certaines personnes, est-ce que c'est intelligent de fumer? Ils me répondent souvent non. Et si je leur dis pourquoi tu fumes? Là, ils sont mal pris. Puis c'est facile, tout le temps qu'elles leur disent, vois-tu, si tu trouves pas ça intelligent de fumer, c'est que toi, tu fumerais pas. Mais il y a quelque chose chez toi qui se nourrit de l'expérience de fumer. Mais c'est l'ego. Alors, quand l'humain apprend les mécaniques, il finit par se dissocier progressivement des mécaniques. C'est sûr que l'ego va tout faire pour continuer à vous associer. Mais quand tu commences à dissocier, on finit par être capable de comprendre que, ben oui, j'ai viens de crier, mais c'est pas moi. Alors, si on s'engueule tous les deux, puis je te dis, écoute, oublie tout ça, c'est mon ego qui parlait. Si lui est intelligent, il va dire, bon, OK. Puis il n'y aura pas de rancune, il n'y aura rien. Là, on parle d'amour. On parle d'amour du verso. Mais à un moment donné, je suis capable d'aimer toute la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, si quelqu'un vole mon automobile, je comprends la mécanique, je connais la manipulation, je connais les structures astrales, je connais tout ça, je ne peux pas haïr. Donc, je suis intelligent. Mais là, si, par exemple, j'attrape l'individu et je me rends compte que l'individu est totalement charrié et qu'il y a des conditions que je perçois chez lui qui fait qu'il aurait besoin, peut-être, de ça de leçon. Je vais lui donner ça de leçon si je suis capable d'intelligence qui a du cœur. Si je ne suis qu'intelligent, probablement que je vais donner toute la leçon complète. Et là, je vais peut-être détruire l'individu. L'intelligence qui a du cœur est capable de compassion, mais une compassion qui n'est pas une compassion comme l'humain la connaît actuellement, une compassion qui fait qu'on souffre pour l'autre. Par exemple, vous voyez un animal qui est blessé, vous pouvez l'aider, pas parce que ça fait pitié. Parce que c'est intelligent de l'aider. Parce que c'est écologique, parce que c'est intelligent de l'aider. Et là, on a de l'intelligence qui a du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous faites attaquer quelque part dans la ville et vous n'avez autre choix, vous n'avez aucun autre choix, par exemple, que de tuer celui qui vous attaque. Ça veut dire de le tuer. Puis vous l'aimez quand même. Ça, ça n'a rien à voir. Alors, par contre, c'est ça qui est la nuance. C'est que présentement, dans la structuration actuelle de l'évolution au niveau de l'ego, celui qui arrive à un amour totalement non conditionnel, meurt jeune. Il se fait, les gens disent, moi j'ai le cœur sur la main. Souvent, les gens, de temps en temps, il y en a qui viennent s'en vanter comme ça pendant le séminaire. Ah, oh, moi j'ai une personne où j'ai le cœur sur la main. Et moi, je dis oui, hein. Puis tu regrettes, hein. Mets-les dans tes poches. Non, c'est ça, tu regrettes, hein. Oui. Pourquoi? Puis tout le monde ambitionne. Les individus ne sont pas capables de se dire, elle, c'est la seule sur qui j'ambitionnerai pas. Pourquoi? Parce qu'elle est trop bonne. Je ne peux pas ambitionner sur elle. De temps en temps, je lui dis, peux-tu m'amener? Non, laisse faire, je vais aller chercher de l'eau. Non, mais j'ai arrêté. Non, reste assis. Pourquoi? Parce que progressivement, je finis par tout te demander parce que je sais que tu vas y aller. Lentement, mon ego devient programmé à te considérer comme un esclave. Je ne veux pas, tu ne mérites pas ça. Je vais aller chercher de l'eau. Ah, mais ça me ferait plaisir. J'ai rien contre, mais ça ne me met pas là. La prochaine fois, tu iras m'en chercher. Mais quand tu es entouré de personnes qui inconditionnellement vont profiter, bon, ils vont aimer, ils vont dire, oui, je l'aime, cette personne-là, pourquoi? Ah, ben, elle rend service tout le temps, tu es bien serviable. Mm. Eh oui. Ça serait pas serviable, aimerais-tu? Non, ça, c'est l'amour conditionnel. Alors, une personne qui a le cœur sur la main, c'est une personne qui peut dangereusement se faire ramasser. Elles se le font faire souvent aussi. Comme les personnes sont incapables de dire non. C'est un gros problème. On peut transformer un non en oui, ça fait plaisir à tout le monde. Essaye de transformer un oui en non, tu vois, ça donne. Alors, on parle d'amour intelligent, et l'avantage qu'il y a dans l'amour de l'air du Verseau, c'est que l'humain va être capable d'aimer inconditionnellement, sauf qu'il sera capable de s'aimer, et il privilégiera nécessairement l'écologie, la conséquentialité, et ça, c'est une structure d'intelligence qui peut venir régir tout. Alors, nécessairement, deux êtres humains qui sont capables d'intelligence, qui ont du cœur, aimeront de la même façon. Pas parce qu'ils sont programmés et sont robotiques. C'est simplement que quand le feu est pris, on l'éteint. C'est pas une programmation, c'est de l'intelligence. Bon, si on n'est pas conscient, ce qu'on fait, c'est une programmation. Si on est conscient, c'est un accomplissement, c'est autre chose. L'intelligence qui a du cœur fait plusieurs choses. De toute façon, on va prendre le mot au complet pour parler d'applications pratiques au niveau énergétique, au niveau des échanges, puis au niveau de comment supporter la vie actuelle, tout en se payant le luxe, progressivement, de pénétrer dans la sixième race mère, minimum, avoir de l'intelligence qui a du cœur. Tu as déjà dit qu'il fallait, pour avoir une intelligence qui a du cœur, remplacer l'émotion par le sentiment, enlever les émotions. C'est-à-dire que, pas remplacer, mais éliminer les émotions. Parce que le sentiment, on en a des sentiments. La problématique, c'est que chaque fois que j'ai un sentiment pour quelque chose, mon ego mémorise l'expérience du sentiment. Et puis, à la longue, il finit par avoir suffisamment de mémoire que quand je revis le sentiment, lui vient replacer en avant, vient juxtaposer en avant la mémoire du sentiment. Ça, c'est de l'émotion. Alors, je suis plus capable de vivre le sentiment, donc ça n'a jamais la même saveur, la même joie. Oh, je m'en rappelle, c'est plaisant, ça va, ça nourrit mon ego, mais ça n'a pas la saveur de neuf, de découverte. Ça n'a pas la saveur d'alimentation énergétique, physique, vitale et astrale. Ça a une saveur uniquement d'alimentation astrale. Il y a beaucoup de gens pour qui un amour sans émotion, c'est pas de l'amour. C'est de l'ego qui en souffrirait. J'ai un ami, par contre, par exemple, c'était la semaine dernière, qui a avoué à sa copine que lui, il n'y avait pas d'émotion. Ben, la copine a pris le bord. Elle est partie. Remplacer l'émotion pour le sentiment, c'est pas évident pour tout le monde. Peux-tu j'aimerais que tu t'expliques plus c'est quoi un sentiment. Ouais. Comparé à une émotion, parce que pour moi, c'est plus peu, c'est plus vrai un sentiment. Mais non, c'est pas évident. C'est pas plus vrai, c'est vrai. L'émotion, elle l'est pas, c'est la mémoire. L'idée à regarder ceci, c'est quand on ne comprend pas toute la mécanique et l'amour de l'air du verso, c'est ce que ça va donner. Et il y a beaucoup d'enfants présentement, d'enfants teflons entre autres, il y a aussi beaucoup d'adultes qui sont teflons, qui, sur qui donc le système traditionnel colle mal ou colle pas, vivent de plus en plus cet amour intelligent. Et c'est pourquoi on va trouver qu'ils sont sans cœur. T'es-tu ennuyé? Non. Quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi je m'ennuierais? Mais est-ce que tu m'aimes? Oui. Bon, mais j'ai quand même dû te manquer. Mais non, me suis abreuvé ailleurs. Tu sais, tu ne m'as pas manqué. Je n'ai pas manqué de ta présence. Ah, tu m'aimes pas. Alors, on a peur en maudit. C'est évident que si, sa copine, si elle avait ça se rend compte de ça, ce qu'elle se dit, c'est que le gars, il va aller fouiller ailleurs n'importe quel. Ouais, surtout dans la manière que tu l'as dit, là, je me suis abreuvé ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle l'a Ah, ouais, là, c'est autre chose. Mais c'est quand même ça. Pourquoi devrions-nous manquer la présence de quelqu'un, souffrir de... On peut... Moi, j'adore plusieurs personnes, c'est génial, mais... Je ne vois pas pendant un an, ça ne me dérange absolument pas. Puis quand je les vois, ben ça vibre. Pourquoi? Parce qu'il y a du sentiment. Mais effectivement, la journée que ma femme m'a demandé, est-ce que tu m'aimes? Je dis oui. Bon, oui, je sais que tu m'aimes. Mais est-ce que... est-ce que tu m'aimes plus que les autres femmes? Non. C'est ça. Ça part de m'aimes-tu grand. Plus que les gars? Non. M'aimes-tu plus que le chat? Non. Ah ben là, c'est ça. Tu sais... Par contre, elle aura droit à un traitement de faveur. Par rapport au chat, je suis pas sûr. Regardez ce que c'est ici. Vous avez pas vu les soins qu'il donne à son chat? Non, mais c'est une chatte. Ouais, c'est ça. Mais quand on parle de traitement de faveur, c'est pas un traitement de faveur. Mais on parle de conséquentialité. Et ça fait encore partie des structures que l'humain aura de la difficulté à comprendre au départ. C'est de l'ajustement, c'est pas un traitement de faveur. Exact. Mais l'ajustement à quoi? C'est ça qui est le problème. Qui décide que elle ou lui a plus que elle ou lui? Quand on regarde au niveau de l'animal humain, donc de l'amour conditionnel, on va dire pourquoi aidez-vous plus vos enfants que les enfants des autres? Oh, mais c'est normal, c'est mes enfants. Alors moi, ce que je vais dire, c'est ce qui va arriver au niveau de l'amour intelligent. Pourquoi telle personne a-t-elle un traitement plus... semble apparemment plus de faveur? Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'intelligence chez elle. Et là, l'humain va dire tout de suite... c'est ça. C'est pour ça. Alors, on va comprendre quelque chose. On va se dire, par exemple, les individus qui ne sont pas suffisamment investis d'intelligence, comprenant la mécanique, on va leur donner le cadre le plus adéquat à une évolution sans souffrance. On ne leur fera pas la guerre. C'est ridicule, on ne rend pas quelqu'un intelligent en le forçant. Par la force. Exact. Bon, ni l'esclavage, ni rien de ça. Il aura droit à ses structures, à ses religions, à son phénomène d'évolution, mais il aura en même temps accès à de l'information particulière et à un rayonnement de ceux qui y auront passé, donc ceux qui font partie de la sixième race. Maintenant, l'individu qui est capable de recevoir un peu plus d'intelligence, l'intelligence qui part chez lui vient automatiquement chez nous. Donc, il va nous énergiser. Nous synergisant, on va l'énergiser. Ça va créer une synergie. Et automatiquement, cet individu-là va, dans une vision écologique des choses, mériter plus d'intérêt. C'est exactement comme si on a, dans la forêt, quelque chose, il y aura un équilibre à maintenir, et de temps en temps, il y a des structures qui sont plus importantes pour un écosystème, et elles seront mieux soignées. C'est ce qui se passe. C'est par rapport à leur valeur énergétique. À la valeur énergétique, et non pas... Mais quand on parle de valeur énergétique, c'est évident qu'au niveau de l'amour humain habituel, c'est aussi une question de valeur énergétique, mais uniquement basée sur les besoins de l'ego. Alors que l'amour du Verseau aura aussi une valeur énergétique, mais basée sur tous les plans. Alors, on ne pourra pas dire, par exemple, « As-tu vu cette femme-là parlant comme les animaux humains mâles parlent? Hey, maudit qui est cute, hein? » Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien à foutre sur quelle planète on est. Ben oui, ben là, ils nourrissent simplement leur ego. Ils s'abreuvent de l'onde de forme de la personne. Alors que dans l'amour du Verseau, il y aura une perception de son corps physique, de l'énergie vitale qui est dedans. S'il y a beaucoup d'énergie vitale dans le corps physique, on saura qu'il y a d'intelligence chez l'individu. En fonction de sa stabilité astrale, psychologique et émotive, on saura qu'il y a d'intelligence dans l'individu. En fonction de sa capacité de légiférer, on saura qu'il y a d'intelligence dans l'individu. Donc, en fonction de l'intelligence qu'il y a dans l'individu. Et ceux qui, de plus en plus, vont être investis de l'amour du Verseau vont nécessairement avoir une attirance. Ils ne tomberont pas en amour, parce qu'ils ne tomberont plus, ils vont monter en amour. Ils vont donc plus facilement monter en amour vers ces individus-là. Alors que dans l'amour ancien, les individus tombent en amour lorsqu'ils ont une affinité au niveau astral. L'heure a passé pas mal vite. Alors, vous savez, on va continuer un peu là-dessus. De toute façon, il y a le mois au complet où on va aller chercher des façons pratiques de vivre certaines choses et de régler des problèmes aussi quand on le vit par rapport à ceux qui ne comprennent pas. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis Charles va les poser. À tantôt.